vous êtes sur KFAI. Bonjour, vous êtes sur KFAI, radio communautaire, 90.3 FM à Minneapolis et 106.7 à Saint-Paul, radio sans frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, radio without boundaries. And the program we are presenting is Bonjour Minnesota. Bonjour, bonsoir, Fred. Bonsoir, Olaf. Bonsoir, Olaf. Bonsoir, Dana. Bonsoir, Dana. Bonsoir, Frédéric. Nous sommes heureux que tu sois de retour, Olaf. Oui, oui, oui. Bon, let's go. Alors, Olaf nous a manqué pendant une semaine ou deux. Ah oui, oui, oui, oui. Bon, ben, c'est pour quand tu veux une nouvelle épaule. Très bien. C'est bien. Et nous avons une bonne sélection de la musique ce soir. Oui, on va écouter de la musique française. Sénégalaise. Donc on va faire un petit mix parce que c'est le mois de la francophonie. So it's the month of francophonie and we are celebrating Senegal. And so, there are a ton of events going on. Events going on that we need to announce. Yes. We will talk about them later in the hour. I know that there was a Senegalese literature event taking place at the Alliance Française tonight. Yeah. But we'll tell you more in the next hour. And we have to remind you that next week we're going to be playing les meilleures chansons françaises aussi avec une Rose Ensemble va être en studio aussi pour le Pledge Drive. Ça va être la semaine prochaine. Just to let you guys know in advance, we have a couple of things to give away. We'll have concert tickets. There'll be a $50 gift certificate to Sanctuary. Ooh. And a 5 movie pass to Trilon. All of those will be in the, we'll give away the movie tickets next week, or the concert tickets, some tonight, some next week, and all those raffle prizes for great things to win. But ça, c'est la semaine prochaine. Nous y sommes maintenant et il y a de la musique. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on a comme choix? Donc, on va écouter La Loi du Marché avec Cyril Mokayesh. Et puis ensuite, on va écouter Une Vie. Avec Cyril Mokayesh. On va en écouter 2 ou 3. Oh, 3. La troisième, c'est aussi Cyril Mokayesh. On l'aime beaucoup. C'est Ostend. Ostend, oui. Toujours non, c'est une sélection de RFI. Et il commence toujours avec les 100% français. Il commence à mettre en avant. Un chanteur ou une chanteuse avec deux ou trois. Deux ou trois chansons. Chansons tout de suite au début, puis après il y a toutes sortes de choix différents. C'est bien, c'est bien. Bon, on va écouter les chansons, on y va. On vous laisse la tribune, les honneurs du pouvoir, on vous laisse voler la victoire. On vous laisse le soin de bien ingurgiter notre part de votre marché. On vous laisse notre âme sur le bas-côté, endettée, endettée, en détresse, à genoux de chagrin d'avoir fait le baise-main à l'austérité, son Altesse. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse libéral démocratisé, chômage à volonté. On vous laisse nos destins s'ouvrir les veines en commission européenne. On vous laisse allonger la peur dans notre lit, mais faut pas toujours croire ce qu'on dit. Athènes, Apollon a raison de chanter ma liberté. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité, de quoi vous distraire pour quelques années. On vous laisse ArcelorMittalisé,

qui est belle sans faire exprès. C'est gratuit, je sais que tu sais comme on s'y plaît, on s'y plie. Je sais que tu sais rien de plus vrai. Chambre avec vue, septième étage, amont sur la plage, ostende l'hiver, que tes yeux sont clairs, rêver le jour, tanguer la nuit, refaire le tour de sa vie. Ostende désert, marin solitaire, je plane, je salue des bateaux, fatigué des oiseaux, je flâne, j'écoute le vent du nord. Son air de ténor. Chercher sa rue, trouver son bar, son bout de comptoir. Ostende ma belle, mon joyeux bordel. Je plane, je salue des poivrons, fatigué d'être gros. Je plane, j'écoute Billy the Kid surjouer les caïds. Je plane. J'entends des rires flamands. Je rentre dans ma cage. Peut-être est-ce plus sage. Ostende à vous, c'était l'amour fou. Je plane, je te salue la digue. À tantôt, grande gigue, je plane, j'écoute là où les pics défient la Belgique. Et voilà, on est de retour So Olaf, what did we hear? Okay, what we heard, first of all, this is the program of RFI 100% Français for the month of March. And the collection is done by Mademoiselle Desroudilles. So we heard the first three, and they usually come up with three, and they showcase one particular artist or une artiste with three songs, and then the rest is more or less selected according to, well, whatever the person who puts it together feels like. But this one is the first three, whereby Cyril Mokayesh, the first one, La Loi du Marché, the rules of the market rules, the law. Yeah. Mm. I mean it's the market mechanism and market. Yeah, laws. Yeah. The way it works, the pros and cons and. Etc. And I have to say that Cyril Mokayesh was a little bit avec un jaundiste didn't really believe in the loi de marché. No, he was somewhat of a cynic, jaundiced eye on cast a jaundiced eye. Yeah, and it's not uncommon in France to be kind of. Not doubtful, but saying, okay, you know, the market is one thing, but we distancing themselves from the pros and cons, and like that's not an everything. I mean, and then the next one, Une Vie, a Life, was more or less, sentimental, looking back at a life. And then the last one is he was reminiscing about Ostend, the port of Ostend. Ships where they were there, and how in his youth he used to visit Ostend. So those are the three by Cyril Mokayesh. Ça se trouve où, Ostend? Ostend, je crois qu'on avait regardé. Je vais regarder. Je suis pas sûr. D'accord. C'est en Europe. Ostend is in Belgium. Ah, Belgique. Yes. La Belgique. Can you check it, surely? Oui, oui, c'est en Belgique. And it's one of the ports from where you cross the channel to Britain. Okay. Yeah, it says it's located in the province of West Flanders. Yeah. Really? It's both port, and then around it, of course, are beaches and so on. Nice. C'est romantique et c'était très mélodique. Yeah. But I mean, that's kind of cold. Yeah, so the beach weather is not chilly. Always guaranteed. Yeah, well, you still have the sea and the sand. Yeah, but you may not have the sun. Mm. C'est quoi la prochaine chanson? Je sais pas parce que j'ai pas le. Oh, là, je l'ai. Aussi, ce soir, je voulais dire une chose assez rapidement puisque la semaine dernière, on a parlé de football. Et on a parlé du Paris Saint-Germain et de Barcelone. Ah. On n'en parlera pas ce soir. On n'en parlera plus jamais. Le match s'est pas très bien passé pour Paris Saint-Germain. Donc, notre épisode Paris Saint-Germain-Barcelone pour le foot est terminé. Et aussi pour le United FC Opener, c'était pas très bien. C'était pas terrible non plus. Alors, il y a des fois et tout. Ouais. Mm-hmm. Pour ceux qui ont assisté au TCF Stadium, l'équipe de football de Minnesota United, a joué dimanche contre Atlanta et ils ont un petit peu perdu. On va dire que c'était à cause de la neige. It was probably because of the snow. D'accord. All right. La prochaine fois, je vais donner une petite quelques mots sur le mode et sur la collection. Mm. Peut-être. That's fine. D'accord. Yeah. I'm glad to hear about it. I typically don't. So. D'accord. On va écouter la prochaine chanson, ça va être Thomas Fersen avec Encore Cassé. Et puis après, on va écouter Peter avec Bien Réel. Et on en fait trois. Oui. Oh, et peut-être après les annonces. Oui, on va le faire après les annonces. Donc la troisième chanson après les annonces, ça va être un groupe qui s'appelle La Féline. Et la chanson, elle s'appelle Séparés. Si nous étions jamais séparés. Donc là, je vais passer les annonces et puis après, on écoutera un peu plus de chansons. It's time to give. Supporting KFAI is easy, affordable, and it ensures that we will stay on the air and in touch with our community. This is station manager Leah Honsky saying thank you for continuing to support community radio in the Twin Cities and around the world thanks to our mobile app and website. Donate today at kfai.org. Support for KFAI comes from The Electric Fetus, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin, or at efetus.com. L'occasion d'un dîner, je me retrouvais à table, près d'une carafe d'eau potable, mais en relevant le nez, mes yeux sont tombés sur celle que l'on nomme Cendrillon. Elle m'a demandé le sel, instant d'après nous rions. Sa jolie robe de reine, chamarrée de pierreries, apportée par sa marraine, avait chauffé mon esprit. Mais lorsque j'ai voulu faire très discrètement du pied à sa pantoufle de verre avec ma pompe de chantier, encore cassé, résultat de l'aventure avec cette Cendrillon. Quand j'ai reçu la facture, il y en avait pour du pognon, et ça finit donc très mal pour lui puisque nous cachons nos sous dans cet animal. Je veux parler du cochon. Encore cassé. Cendrillon était en laine, les yeux bleus de porcelaine, avec l'estomac fragile, ajouter des pieds d'argile, le bras gauche dans le plâtre et un timbre cristallin. Pour finir un teint d'albâtre, j'ai voulu faire un câlin. Encore cassé. Cendrillon était un peu à cheval sur les principes. Moi je fumais dans le pieu, je laissais traîner mes slips. Je me levais très très tard et je jouais du djembé. Elle n'appréciait pas mon art. Du sixième il est tombé. Encore cassé. Et comme elle voulait du neuf, elle m'a dit c'est fini. Notre amour était dans l'œuf lorsqu'il est tombé du nid.

chance ou hasard, on fait qu'on sait trouver toi et moi, fier de tomber tous les deux dans les bras du destin qui fait n'importe quoi. Si nous étions jamais séparés, oh yeah, distance. Les gens qui passaient Wednesday, March 15th, KFAI will begin our spring fundraising drive with a live broadcast from Indeed Brewing Company from 7 to 10 p.m. Listening Lounge and Radio Pocho will be broadcasting live on location for the evening. Indeed Brewing Company is in Northeast Minneapolis at 711 15th Avenue Northeast and online at indeedbrewing.com. KFAI's live broadcast, Wednesday, March 15th. 7 to 10 p.m. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, providing programming for music lovers at AMPERS.org. AMPERS features hundreds of performances by Minnesota jazz, rock, Americana, and classical acts. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. Et voilà, on est de retour. All right, so we heard Thomas Fersen in Encore Cassé, Broken Again. And he is quite vocal about this. But, all the things that are broken again. But then at the end of his piece, the music also really gave an impression of being totally broken. So Peter was in Bien Réel, well, really real, singing about, well, this was actually semi-instrumental, I mean, half... Yeah, there was some of it, yeah. Instrumental half song, I mean, in which he, well, sings about real things. And finally, La Féline in Séparé, Si nous étions jamais, meaning separated, and in brackets, if we ever really have been separated. So she goes on about, well, being with this person and the things that happen when you separate and when you come back, and if you're not really separated. So this was, but all these songs were actually pretty nice melodies. I mean, nice. Yeah, good tempo. Yeah, exactly. I mean, and not too... not too aggressive. Exactly, yes. But still a beat. That was pretty nice. Exactly, so... Nice. Well... Bonne sélection. Oui. On veut dire à nos auditeurs ce soir qu'on a deux places de concert, une paire de tickets de concert pour Webster pour la semaine prochaine. Donc, Webster, c'est un rappeur canadien, québécois, qui est d'origine mixte, avec un papa africain, une maman québécoise. Et il a un grand succès en ce moment au Canada. Et donc, la semaine prochaine, il sera avec nous au Cedar Cultural Center. Et si vous nous appelez pendant que la musique joue, vous pouvez nous appeler au 612-341-0980. Et on aura une place de ticket. 612-341-0980. Call while the music is playing if you'd like to win tickets to the Webster concert. This is a Canadian French rapper. And while the music's playing, are we going to listen to some of his music? Which will be held on Thursday. That is correct. Thursday 23rd. Yep. At 7:30. Yes. The Cedar Cultural Center. Yep. And how we're doing this, we are giving away one pair of tickets today. Tonight. And next week during the pledge drive, we'll give out two more pairs of tickets. Yep. So I have a little bit more about, you know, Webster, who was born in Quebec, and his dad was from Senegal originally, and his mom was from Quebec. So, cool. Because we are celebrating the month of, you know, Fête de la Francophonie, mais Sénégal. Avec Sénégal, yeah. And they say he began his career in 1990 with some DJs and in the Limoilou district. And he's been performing since. He has his first solo album was in 2007. And he's also hosting some writing workshop. Oh. And the concert is next week. But next Saturday, there's also, at the Alliance Française, there's also a writing workshop with him. So it's like from 10 to 11:30. And you can go to the Alliance Française website to know more about it. C'est génial. Yeah, afmsp.org. And there's a fee for it, and it's not the same fee for members. Mm-hmm. But it's probably a great workshop. Super. Should we listen to Webster? Yeah. Oh, yes. I'm curious. Je pense que tu as posté une chanson de lui déjà sur la page Facebook. Oui, si vous nous suivez sur la page Facebook, if you follow us and like the Bonjour Minnesota Facebook page, we post on a regular basis songs, events, or cultural articles. Today I posted something about the metro in the 1950s. Les astuces. So quite a few things, and it doesn't cost much and you might discover something you like. Ça ne coûte rien. Yeah, la connexion Internet. Juste la connexion et un peu de temps. Un peu de temps. Perdu dans l'espace. Non, c'est pas perdu. On apprend des choses parfois. D'accord. Donc, on va écouter la chanson de Webster et on reviendra avec un peu plus d'annonces et d'événements pour les Twin Cities. Out of your brainwashed state. Chaque jour que God fait pour nous c'est le same song. Ça le me high tech, je parle pas de Samsung. Si le rap avait du poil, on m'appellerait Samson. Depuis le temps j'ai pris du poids, je viens pas les Samsung. Si le hip hop avait une arme, on m'appellerait Chanson. Malgré tout, je suis bien content, surtout depuis que je chante souvent. Hauteville, Bossville, One Love, Québec, Oakville. Ou bien One Hit, car ça pop comme Orville. Read it back, oh. La haine se fit comme un hacker. C'est pas parce qu'ils sont derrière toi qu'ils ont ton back, oh. Tu roules avec tes boss, qu'est-ce que l'un d'eux te vend. Et tu te sens comme Kennedy à Dallas, 22 novembre. J'ai 1200 raisons de ne plus truster personne. Même ça, chez mon flag comme Let's to be person. Busted, c'est ride or die, laisse jusque dans le hearson. On vit la vie en live et y'a pas de rehearsal. Tu es à l'ouvrage, maintenant je suis une couleur sans. J'ai tracé mon sillage, j'y passe pas par orsin. Protège tous mes angles, pour 160 comme un oursin. L'essence de rap de tranche, un être hybride comme un oursin. De drôles circonstances, on évite Babylone. Dès qu'on voit les circonstances, nous empêche d'avancer comme Katy Bass en Missouri. Avec une bûche entre les jambes, deux coups de masse sur les chevilles. Les groupes t'ont du trop, mais pourtant on reste discret. Pour tracer leur contour, leur faudra au moins discret. Fais le body con, des corps qu'on est laissé sur l'asphalte. Si la musique avait des fesses, la scène sûrement un ass flat. Je vise le palmarès, la TA, elle est le flip. Reste qu'on n'est pas comparable, c'est comme un tuba avec une flûte. Comme le sida avec une grippe, ou un foulard avec une tuque. Comme un cheddar avec un site. Tout Godzilla avec un tigre, Chichilla avec un bit. Bien des bras avec un slip, un pimpita avec un frit. Ou l'un des bras avec ta. Est-ce que là où t'habites, tu vois les mêmes phénomènes? Ici faut faire ses preuves, elle est le phénomène. Reste droit devant les teintes comme Mattie et Namen. Des bosses de pétanque quand je tire la mine. La nature est la même, des couilles trempées dans le phare. Cache un rap qui décorche, c'est comme ramper dans le four. Mais je te dis c'est sous bad, même les troupes des litchi. Entre les doigts, on t'écrase comme un fou de litchi. Et la vérité, c'est que même assis au brunch, c'est lis-moi loup autour de la table, c'est comme si on brunchait. Vous faites du rap festin, on déchire la carcasse. Faire face au destin, c'est comme dans un car crash. Je me rappelle des bars crash où les gens t'en regardent croche. Une coupe de bataille trash où on t'en fait la tronche. Elle l'institut du hip-hop, un moment clé dans nos vies. Garde le reste sur le sol pour mater la panoplie. Et voilà, on est revenu. La chanson s'est terminée un petit peu de façon abrupte. C'était bon, good taste of the music. We didn't know what it was like before. I wasn't sure. So this was Webster. Webster. Mm-hmm. Who is actually comes from Canada. He was born in Montreal, is that right? Right. And his mother is Canadian, French, and his father was from Senegal. Right. And he sings very nice, kind of engaged rap. Yeah, it mm-hmm. was, I mean, the lyrics were strong, c'était fort, yeah. but not aggressive. Yeah, not right in your yes, face. Exactly, like, yes. And the song we heard was Every Day, is that correct? Yes. Every and Day. He was singing, the lady was singing, La Femme was Mariam. Mariam. He had a special mm-hmm. guest. And I thought it was pretty smooth and nice, mm-hmm. so... Yeah, I'm going to go. So, if you call in, call to win when the music is playing, and you'll win a pair of tickets to the. Win a ticket to yes. his, and especially next week, you have a double chance, two mm-hmm. tickets. Yeah, we remind our auditors that next week is Pledge Weeks. Mm-hmm. It's Pledge, so our show is going to be talking about the pledge, and there's going to be tons of things to win. But best of French. Yeah. And okay, yes. And but the whole week is going to be Pledge Week at KFAI, so please support us. Help us. We hear you. Well, you we can. Hear you and your community, and you have the community voice here with KFAI Radio. So we are 80 different radio shows in a week in 13 different languages. That is KFAI. And nobody tells us what to play here. For Bonjour Minnesota, exactly. We do whatever we like. Yeah, and whatever you like. Exactly. When yeah, you if you want to hear French songs, you call the studio line. You tell us if you want to hear something, if you're interested, there's something we don't announce, we'd love to hear it. We want to bring everything that's going on right. in the Twin and Cities together. The studio line is 612-341-0980. Mm-hmm. You can also follow us on Facebook and send us messages. So feel free to do that. And we have an email address you can email now if you have questions or you heard something. BonjourMinnesota@gmail.com. Yeah. So if you want a special dédicace, une dédicace pour une demoiselle ou quelqu'un de spécial, mm-hmm. n'hésitez pas. On va écouter un peu plus de musique. Mais oui. Pourquoi pas? Okay. Peut-être une petite chose avant qu'on remette un peu de musique. Je voulais parler de cette semaine avec l'Alliance française à Saint-Antoine-Imen. Tous les matins, il y en a. Ça a commencé mardi, mais il y a encore deux. Ça a commencé lundi, mais il y a encore demain et jeudi. Il y a des films français qui jouent à Saint-Antoine-Imen. Pour les jeunes, ça s'appelle Festinema. C'est pour les enfants de 7 à 12 ans. Mmh. Et c'est avec l'Alliance française de Minneapolis, des États-Unis, et The Film Society of Minneapolis and St. Paul. And so it's Festinema Junior 2017. Et les films sont à Saint-Antoine-Imen de 10h à 11h30. Demain, il y aura Ernest et Célestine, un film français. Et... jeudi, il y aura un autre film qui s'appelle Neige et les arbres magiques. Si vous voulez en savoir plus, allez sur le site de l'Alliance, afmsp.org, mm-hmm. and this way you can check it out. And speaking of the Film Society, they are pretty soon going to have the International Film Festival. C'est au mois d'avril? Mois d'avril, yes. And there they usually have a number of French films. So yeah. We'll keep you informed. Yeah, and what's nice about the International Film Festival is, I mean, they are French film, but they are also films in French. I mean, sometimes the movies are made like in North Africa or in Africa, and they are not necessarily French, but they can be in French. So that's a plus. It's very great to have that in the Twin Cities. So many. Yeah, so the Minneapolis Film Society, they have their own website too, so you can check that out. Yeah. Just if you type that into any search engine, they'll pull it up. Sometimes we have the director, yes. Susan Smachowski, yes. That's it. So maybe we'll have her on again to give us the scoop. Yeah. So Next, we have a song called Bleu de Blondino. Ensuite, on a À force de, c'est le titre d'une chanson, avec Depardieu chante Barbara. Depardieu. Ouais, on va voir. Intéressant. On va voir ce que ça donne. Et la troisième chanson, ça sera Je me souviens de Yves Jamais. Allez, on y va. On y va. IP House is proud to provide internet streaming of KFAI Community Radio. The internet professionals at IP House provide answers to your hosting and access questions. More information from these friendly geeks is available at iphouse.com. KFAI is proud to sponsor the Northside Housing Fair. Join your neighbors for the Northside Housing Fair on March 18th from 10 until 3 in the afternoon at the Lucy Laney School, 3333 Penn Avenue North. The Northside Housing Fair is a one-stop shop for all your housing needs, whether you're a renter, a homeowner, or anything in between. Attendance is free for all. Presented by the Cleveland Neighborhood Association in partnership with KFAI Radio. More information at northhousingfair.com or at 612-588-1155. Et voilà, nous sommes revenus donc. I liked that Blondino Bleu. Oui, oui, c'était chouette. Hein? This is like sa voix, c'est comme le soie, like silk voice. La soie, très sensuelle. Mm-hmm. Très sensuelle. Très romantique. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Bon, vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio Communautaire KFAI 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM Saint Paul, Radio Without Boundaries. And the program that you are listening to is Bonjour Minnesota. Bonjour Minnesota. Bonsoir Minnesota. Bonsoir. On dit souvent bonjour quand on rencontre les gens, même si c'est pas nécessairement le matin. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonsoir. C'est un peu plus formel. Oui. Mais c'est fréquemment, je dis quand même bonjour. Ça existe. Cette émission existe depuis 1984. Wow. Alors. Yes. Et c'était le matin. À un moment donné, c'était à 9h le matin. Ah. Donc, évidemment, dans ce cas-là, le bonjour était tout à fait correct. Bien. Je voulais aussi dire que samedi, à l'Alliance, il y a deux événements. Il y en a un à 2h30, la lecture facile, d'un livre qui s'appelle « La belle histoire de Luc le lièvre ». Practice your reading skills and pronunciation with lecture facile, bla bla bla. A little bit later in the afternoon, there's a Wolof class and Ataye, Senegalese tea. That will be between 4 and 5:30. You can register online at afmsmsb.org. You can practice your Nakanangadef. You can. Just that word was was challenging. What was that? Nakanangadef, how are you? Oh, and then wow. You said Manifirek, which means I'm okay. Cool. Très bien, cool. On va écouter un peu plus de musique. Alors on y va. On va écouter les deux chansons qu'on n'a pas entendues. À force deux et je me souviens. Maintenant, libre de toi, c'est là que tu me manques. Enfin, libre de toi, c'est là que tu me manques. C'est là que tu me manques. Tu me manques. Tant de solitude après ton départ. Même le fond se vide. plus de sens à rien. Tu étais dans ma chair. Tu étais dans mon sang, plus pareil dans moi. Plus moi-même. Sans toi-même, le fond se vide. Et tout est fade. Comme tout s'efface, plus de sens à rien. Irais-je alors avec les anges ? Maintenant que tu es parti, à trop m'être cherché, c'est toi que j'ai perdu. À trop m'être cherché, c'est toi que j'ai perdu, c'est toi que j'ai perdu. Oh mon amour. Je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Me souviens d'un vase et des fleurs anémiées sur ce bord de soleil. Une facture de gaz qu'a mêlé cendrier et les cris du réveil. Je me souviens du film et de son somnifère de héros fatigués. Une histoire de crime qu'un couple sans mystère n'avait pas préparé. Et je ne me souviens plus de toi. Je ne me souviens plus. Je me souviens de l'heure et du vin renversé que buvait le napperon. De la forme d'un cœur qu'un verre de son pied avait fait en deux ronds. Je me souviens aussi qu'il y avait un cheveu qui prenait la lumière sur l'anthracite sali d'un bord de colle douteux au parfum de mystère. Je ne me souviens plus de toi. Je ne me souviens plus de toi. C'est fou ce que je me rappelle. C'est fou ce dont je me souviens. C'est ma mémoire qui se morcelle. Je me souviens du manche d'un couteau émaillé et du chat endormi. En s'étirant les hanches, il s'était réveillé et était reparti. Par la fenêtre ouverte, on entendait la vie dérouler son train-train. Quelques mouches inertes gisaient sur le tapis de ça, je m'en souviens. Je ne me souviens plus de toi. Je ne me souviens. C'est fou ce que je me rappelle. C'est fou ce dont je me souviens. C'est ma mémoire qui se morcelle. Et de toi, plus rien. Je me souviens du vide, de l'odeur, de la peur et des sirènes hurlantes. Et les blouses morbides qui jouaient au docteur étaient peu élégantes. Je me souviens encore de ces ombres qui tranchent sous les néons blafards. Qu'il y a avait un ressort pour peu que l'on se penche qui manquait au brancard. Et je ne me souviens plus de toi. Non, je ne me souviens plus de toi. Je ne me souviens plus de toi. Je ne me souviens plus de toi. Et voilà, on est de retour. Alors, Olaf. Okay, we heard Blondino in bleu, blue, but in French, blue, this bleu means they're kind of happy. It's not the blue. Yeah. You don't have the blues like no. you have here. We don't. We don't have the blues. So, blue means happy in French, right? Yeah, it's very associated to happiness, the horizon, the sea. Well, I mean, sometimes the sea is green, but I mean, yeah, it's the positive. The American blue would be le cafard. Right. The le cockroach. Spleen. So, and Blondino sings, starts out singing about cocktails. And she's really into cocktails, and then it goes on from there and well develops, but it's a very smooth song about, happiness with whomever she is together with and her life. The next song, of course, is much more tragic in a sense. This is a force de, meaning more or less because of or because of doing something all the time? Well, no, a force de... Made it happen. Because of a given circumstance or a given... And this is Depardieu, who sings this song. And it's basically, it's a song about his son who died. So it's very touching. I mean, you can feel that he is, that this preoccupies him, and obviously, I mean, but it's very well sung about well how the son has now left him, and he was part of himself, and so it's a very touching song. Like him or not, he's a very good actor. Like him or not, and also the song, the enunciation was that of a actor, I mean, of someone trained and that, again, as you can say, whatever his idiosyncrasies are, but his acting is still very good. When you think about Cyrano de Bergerac and some of the others, it's absolutely He's great. A great actor. I mean, it's just like sometimes his sobriety level is kind of getting in the way of his personality. Well, now he has a Russian passport. Right? He does. Did you ever drink his wine that he made? He has not. A petit vignoble côté de Tours. Châteauroux? A little place. He's originally from Châteauroux. His wine was not bad. No, and he has several. He has several chateaus and vineyards. So this was about his son. And you could see the son also was acting, and there is this one film, Tous les matins. Tous les matins du monde? Oh, du monde. Oui. In which this is about. It's about this great, cello player? No. It was a violoncelle. Violoncelle. No, cellist. Violoncelle. Violoncelle ou la basse. Je connais pas très bien les instruments. So, who, the young Depardieu was somehow or other in a role in this film. I think in the film it was the apprentice. And Gérard Depardieu was the teacher, the master. Yeah. I mean, in the movie they weren't son and father. Yeah. But yeah, it was, yeah. And the son, Depardieu, got into trouble on a regular basis. So I think that Gérard Depardieu could potentially relate. Yeah, well. So, and the last one, Je me souviens, I'm remembering. And that's a very funny thing. The singer, Yves Jamais, he remembers everything. He remembers the color of some kind of a cloth he wore. He remembers the smell of a particular meal or of a particular flower, but he doesn't remember her. Je me souviens pas plus de toi. So then he goes through an entire list of things that he remembers, all little minutia. Détail. But I don't remember you. Uh-huh. Well, which is not kind of a very nice thing. Ça arrive. It happens. Have you ever had that where you love someone so much that their face is erased from your mind? Like you just can't remember? That happened to me before. Sober. Agent ou pas? Bourré, complètement. Bourré, ça m'est arrivé d'oublier les visages. No, I think this is a, just like you know that is a phenomenon. You draw a blank, it is a psychological phenomenon. I've been in love with somebody, but I could not smell them. It was like I had a block. Wow. A severe block. Yeah. But that's funny. What you said about Yves Jamais sounds almost like he's paying more attention to details and things than the big picture. Mm-hmm. Things that maybe hurt him too. Smaller things than. Sometimes it happens. Mm-hmm. All right. So we should listen. Shall we listen to more songs? Yeah. Yes. Let's. We have on this series from RFI, on a trois autres chansons. La première, ça sera Le cœur qui cogne de Liliane Renaud. Ensuite, on aura Le tourment. Par Pierre Barou. Et la dernière chanson de cette série sera Hier, Demain, Maintenant, d'un groupe qui s'appelle Ravage. Allez, on y va. Je vois tout ce qu'on rate. Je vois tout ce qu'on sème. Je vois bien comme ils se battent, les hommes. Je sens les loups dans la plaine. Je vois les fous, vois la haine. Tant de peine, mais pour la paix, combien nous sommes. Tous des cailles sans repère, les hommes. Faut qu'ils tapent toujours, fassent les durs et qu'ils courent dans le mur. Mais pour l'amour, combien nous sommes. Si c'est ça. comme il pleuve. Vois la peur, vois les pleurs. Moi je n'ai que mon cœur qui cogne. C'est vrai que nous venons de vivre 10 ans de notre vie ensemble, 10 ans d'amour comme dans les livres, à l'orée d'un monde qui tremble. Et voilà que nous vacillons, le doute a creusé son sillon, semant ce mal de fin de siècle, où la femme et l'homme en tourment ne savent plus très bien comment poursuivre à deux leur tête à tête. Lorsque je dis la femme et l'homme, c'est avant tout nous que je pense. Quand sans fin je refais la somme de ma vanité, l'impuissance, pour vivre ce que j'ai compris, tout ce que filtre mon esprit ne se prolonge pas en geste. Et je t'écris cette chanson pour te dire que tu as raison, mais mon orgueil est indigeste. Alors, chanter la vérité, dire tout ce que tu me révèles, construire avec humilité le décor d'une vie nouvelle. C'est exaltant lorsque j'y pense, flatté de mon intelligence, je crois dominer mes réflexes. Mais sournoisement le quotidien me distille ce qu'il détient. Mes inhibitions, mes complexes. Parfois, je me dis qu'après tout, pour sortir de l'incohérence, il serait plus simple pour nous que je reprenne mes errances. Avec le temps, je trouverai cet amour qui s'épanouirait grâce à toi, libre et sans problème. Mais cela me vrille le cœur, cette pensée me fait trop peur. C'est impossible tant je t'aime. C'est vrai que nous venons de vivre 10 ans de notre vie ensemble, 10 ans d'amour comme dans les livres, à l'orée d'un monde qui tremble. S'il est vrai que nous vacillons, l'amour a creusé son sillon, si profond qu'au fond de nous-mêmes, l'horreur d'une séparation submerge nos contradictions. Et le temps passe et nous, on s'aime. Suite pour moi l'après, à te méfier, je t'apprends. The drive is on. The time to make your contribution is right now. I'm Laura Waterman Whitstock, host of First Person Radio. You have the power to keep community radio strong. Go to kfai.org and click where it says support us. And thanks for contributing to KFAI. What's your favorite kind of music? Local music. Join KFAI's Krista Wax. It's me at Clubhouse Jaeger every Monday evening for Minnesota Mondays, a celebration of local tunes and local brews. I'll be serving up the hits of the Twin Cities and beyond from 6 to 10 p.m. That's every Monday night at Club Jaeger. On Saturday, March 18th at SPNN Studios in St. Paul, KFAI and the Twin Cities Anti-Hate Directive present My Refuge is Humanity, music and poetry celebrating immigrants and refugees in Minnesota. This event features traditional and modern music, poetry, and dance from our diverse Twin Cities celebrating many cultures in Minnesota. The event begins at 6 p.m. Tickets are available at myrefuge.brownpapertickets.com. Presented by the Twin Cities Anti-Hate Directive, SPNN, and KFAI. Et voilà, on est de retour. So, Le cœur qui cogne, mm-hmm. by Liliane Renaud. And Le cœur qui cogne, that means the heart that is beating very, very strongly. I mean, cogner means almost like beating someone. Yeah, beating, striking. Yeah, striking someone. And so this heart is really, that was really beating very, very hard. So, yeah. Of course, I mean, this was beating hard because of passion. Passion and the love interest. The next one was Le Tourment. The Torment by Pierre Baruch. And, well, it's kind of, again, laid back. All of these songs today were kind of laid back and talks about how tormented he is under various sentimental conditions. And Ravage is a group, both male and female singers, and Hier, Demain, Maintenant, Yesterday, Tomorrow and Now. And he sings about, well, I mean, what to be expected. I mean, here we have the history, we have future, and but today is what's counting, I mean, for his life. Hmm. So. Torment. Yeah. Hmm. I have a couple of announcements. Yeah, sure. Let's talk about it. This has to do. Just keep it short because next week we will have the group here with some of the songs. This is a program that was conceived and executed by, or will be, by the Rose Ensemble. And the particular program has to do with an architect, Masqueret, who was very famous in France. Obviously, they all go to the École de Rome or the Prix de Rome and study there. Okay. But he came from the École des Beaux-Arts, was a very famous architect. Then he moved to America, and he has designed several buildings here in Minneapolis, St. Paul. Nice. And the Rose Ensemble will do the following thing. They will go from one of these buildings to the other and present a program of music. And so the program basically is on March 23rd, a Thursday. There will be a concert in the Cathedral of St. Paul, which Masqueret was in part involved in designing. Wow. He was apparently a fairly well good friend of Ireland, the bishop. Okay. And so that's at 7:30. And there will be a pre-concert talk at 6:25. And so this is at the Cathedral of St. Paul on Selby Avenue. But I don't need to give you the address. Everyone can see where the cathedral is. Then on Friday, March 24th, again at 7:30, a concert with pre-concert talk at 6:25 in St. Francis Catholic Church at 13th Street North in Benson. Saturday, March 25th at 8 p.m., pre-concert at 6:55 at the Basilica of St. Mary, 1600 Hennepin Avenue in Minneapolis. And finally, on Sunday, March 26th, 3 p.m., concert with pre-concert talk at 1:55, Chapel of St. Thomas Aquinas of the University of St. Thomas in St. Paul. So basically, the program goes through architectural masterworks of Masqueray, and we'll give concerts at these. So it's a very intriguing combination of architecture and music. So and acoustics. It's classical, right? It's classical, but still. And there, for example, there is one person who's actually coming is a Scott Pauly. He plays the theorbo, which is a string instrument. Okay. And so the Gros Ensemble has put together a very, very interesting group who will play at these four venues that we mentioned. We'll post a link on the Facebook page. And then Rose and some of the artists, the Rose Ensemble manager or Jordan Schrammick and some people of this group will come next on the 21st to give a short an introduction about what they're doing. Nice. Will they be doing an in-studio, music play? Yes, they will do an in-studio, and they will also... be able to give out a couple of pairs of tickets. Nice. Okay, for one or the other of these. Sounds like this enough performance that this is very, very interesting. And the Rosen Ensemble is they are known for actually digging out all kind of interesting aspects of music and nice. And then presenting them. All right. So that's the... Well, I'm really looking forward to... Je suis très intéressé de les avoir la semaine prochaine. Ça va... Pour qu'on les ait. Ça devrait être très sympa. La musique et écouter un peu... les entendre dire de ce qu'ils font. Et les explications, c'est chouette. Exactement. OK. Je vais passer quelques annonces après, mais... je voulais aussi parler rapidement du mois de la francophonie et il y a pas mal d'événements qui se... Bon, on a parlé de Webster, mais il y a aussi énormément d'autres événements qui vont venir. Donc le concert de Webster, c'est le jeudi 23, il y a le workshop le samedi 25, le dimanche 26, il y a à Saint-Anthony-Maine, c'est un Sénégalais short film screening, La Petite Vendeuse de Soleil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le 18, on en a parlé. Le 25 aussi, donc le samedi 25, l'après-midi, il y a la soirée Djembé avec Ghana Mbaye. J'espère que je dis bien son nom. Donc Djembé. Et il y a différents prix si vous venez juste écouter ou si vous venez avec votre Djembé et... Ça va percuter. Il y aura beaucoup de percussions. Et puis après, un peu plus tard, le vendredi 31, il y aura Roundtable Discussion, Role of Senegalese Women. Et ça devrait être intéressant. On en reparlera les semaines qui viennent. Et il y a aussi, pour le film, pour le petit film, là, Il y a Charlie. Charles Sugnet, who's going to give a short introduction. Oh, and Charlie, they used to have a program here at KFAI. It's Sydney Days program? No, African music. African music? Yeah. Nice. So that'll be interesting. And then there's, aren't they serving tea at one point? Yeah, we talked about that event. I think it was one Saturday night. I'm losing it. I need to find it back. C'est sur le gris? That's Saturday, March 18th. Mm-hmm. Wolof class and Ataya. Right. At 4 p.m. In the localities of the Alliance Française. Right. And the Ataya, of course, is they have kind of greenish green tea. Okay. And then the main thing is that you you offer, well, the green tea, and you pour a lot of sugar in it. and you pour it into little cups, then you turn it back into the pot, and then you do this several times to really get a very strong tea. Mm-hmm. And then the idea is that you have the cup either on the table or somewhere, and then the idea is that you lift the pot as high as you possibly can. Oh. And then let the stream of tea go into this cup. Wow. And your prowess is determined according to how high you can do it without spilling anything. Yeah, really? Oh yes, this is quite a... Je pense que vaut mieux que j'évite de faire ça. Je suis pas très doué à ça. Je pense que je brûlerais quelqu'un s'il y aurait des accidents. Donc pour faire la transition, après ça, on va écouter une autre chanson de Webster. Parce que il vient en concert la semaine prochaine au Cedar. Donc we're going to listen to another song from Webster called Le Sentier Lumineux. Because he's coming to the Cedar Cultural Center next week. And it's a very great occasion. Webster, who's from Canada, French Canadian, and he raps both in English and in French. And his dad was he's originally from Senegal. His mom from Quebec. And after that, we're going to listen to three songs from. I don't know that we're going to have time for three songs, but we're going to listen to Youssoundour pour célébrer le Sénégal dans la francophonie. Et la première chanson, c'est Be Careful Africa, Rec. Yeah. La deuxième, c'est Dawa. Et la troisième, c'est Seren Falou. Donc, on va voir si on peut les passer. En attendant, on va passer des annonces et après, ça sera Webster. Wednesday, March 15th, KFAI will begin our spring fundraising drive with a live broadcast from Indeed Brewing Company from 7 to 10 p.m. Listening Lounge and Radio Pocho will be broadcasting live on location for the evening. Indeed Brewing Company is in Northeast Minneapolis at 711 15th Avenue Northeast and online at indeedbrewing.com. KFAI's live broadcast, Wednesday, March 15th. 7 to 10 p.m. Did you know KFAI can take your old car, truck, motorcycle, or camper donation? It's true, and what you may not know is, it's easy. Log on to KFAI.org to find out more about donating a vehicle to sustain KFAI programming. It doesn't matter if you drove it last week or last decade. We can tow it away and let it serve you one more time through funding the radio you love. Donate a vehicle at kfai.org. Au Wadi Web de Malcolm, les temps modernes. Rappeur à mi-chemin, entre Icon et Ben Laden. On me dit t'aimes le bif, et ben non, j'ai mieux la teinte. Trop love pour le peace, par le cœur qu'on peut m'atteindre. Paul est ma vertu, mais y'a le mal qui c'est de l'atteindre. La couleur de l'amertume, et il me regarde chaque matin. Je relève ma garde chaque matin. J'ai les pensées charcutées, aiguisées comme un sharp couteau. J'irai me vivre face au Jacques Cousteau. Ouais, pour tous les liens que je peux tisser, David Palmer, quel j'ai la défiance politicienne, réalité métissée. Toujours une partie réticente, trop pigmentée pour les blancs, trop pâle pour les noirs, tu sais. Notre métier social, rien de bon dans les médias, pas assez bon pour street et trop top pour les médias. Ce track, je l'ai dédié à tous ceux qui m'ont dit tiens, arrange-toi avec tes shit, ceux qui me niquent au quotidien. J'en ai rien à foutre de vous, mes pas sont guidés vers Dieu. J'avance comme au Pérou à travers sentier lumineux. Peut-être que t'as compris, c'était pas si simple pourtant. Je viens un humain accompli, développeur rap de 5%. Si tu sais les rentes, les lignes et écouter entre les barres, je dis d'allonger les canines, développe des crocs comme un clébard. Y'a ben trop d'eau qui nous sépare, on regarde des blocs comme un clébard. Tout des clats pour le trépas, quoi que ça bloque, j'arrêterai pas. Que les fruits de l'armurier, t'as entendu le murmure. On m'appelait Web et qui est l'armurier. Service de gardiennage pour ce que tu veux pas qu'on trouve. Quand la police scrute les parages, qui t'embarque pour faire retour. Nous tournons autour comme des vautours, m'attendent au coin juste au détour. Pour ça, je reste clean au point, c'est tout. Parce qu'ils aimeraient bien me traîner en cours. Parce qu'ils aiment trop traîner en cours. Chacun ses choix, chacun son cours. C'est un que truc, faut que tu cours. Mon que spliff à ton retour, nigga. Mais qu'est-ce que j'en ai à calisser de ces langues de pique qui s'est demandé. Je connais beaucoup de monde, moins assez pour fit dans le colisée. Y'en a qui sont oises, d'autres tu surpris qui sont encore ici. Certains peuvent te trahir pour un peu de fric ou encore d'essayer. Qui crossent tes mains, c'est hard, tu sais, c'est fouille qu'on voit remords, tu sais. Lui me vend une vie, alors je voudrais juste être un artiste. Et faire mon rap, leur soul est fade et froid. Une équipe pour les mébacs, on patine dans Godfather 3. If you meet a man you don't know, lum lum na wak bul ko no. Be careful, baby. That tomorrow you don't know. Sai, be careful, baby. Not tomorrow, you don't know. Bobu kule ganu, bulcha ta obey danu. Be careful, baby. Not tomorrow, you don't know. Samson negosi pa, sana sa sheba pa pa. Samson negosi pa. Sana sa shepa pa pa, Samson negosipa. Sana sa shepa pa pa, Samson negosipa. Sana sa shepa pa pa. Ne te fie pas aux apparences, la vie ne fait pas le moi. Une belle chemise, un beau jean, ce n'est que du matériel. Une belle voiture, un château, c'en n'est que du matériel. Cherche d'abord à savoir qui est derrière ce beau décor. Fou d'amour, dès le premier jour des dettes. Fou, fou, fou, fou, fou, fou d'amour, dès le deuxième jour des dettes. Fou d'amour, dès le premier jour des dettes. Fou, fou, fou, fou, fou, fou d'amour, dès le deuxième jour des dettes. Oui, oui, oui, oui, laissons le temps nous guider. Wait, wait, wait, wait, laissons le temps nous guider. Maintenant, nous, ça, ça.

Voilà, c'est l'heure pour nous de nous séparer et de nous retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, la semaine oui. La semaine prochaine. Et merci. Bonne nuit. Et suivez-nous la semaine prochaine. It's Pledge Drive. We need your money. Yes, and what you heard, right? This was Senegal. This was in honor of this. Yep. We have the Francophonie. Mois de Francophonie, and they have Senegal on their mind this month in Minneapolis. And we'll post the playlist. Mm-hmm. Beau rêve. Au revoir.